professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la crise des migrants met-elle en défaut notre capacité de représentation? Comment définir la cause des migrants? Pourquoi la crainte, la haine du métissage? Comment faire droit à la mobilité? Que reste-t-il de l'hospitalité? Nous achevons aujourd'hui notre questionnement des mouvements de population volontaires ou contraints, des effets de contact entre sociétés et migrants, dans le cadre du colloque du Collège de France « Migration, réfugiés, exil » les 13 et 14 octobre 2016. Michel Agier, anthropologue à l'Institut de recherche pour le développement et directeur d'études à l'EHESS, propose en première partie une réflexion renouvelée de la question de l'hospitalité. Il s'interroge sur ses origines, ses traces et ses retours possibles. Évidence sociale, nous dit-il, l'hospitalité privée a-t-elle toute latitude pour se déployer ? Quelle part aujourd'hui avec la désobéissance civile quand l'hospitalité au niveau public est soumise aux contraintes de l'accueil contrôlé, voire des violences de l'État-nation ? Ne devient-elle plus qu'une trace ? Dès lors, pourquoi les villes refuges ? Et aux abords des villes, que peuvent nous apprendre les camps de réfugiés ? Michel Agier souligne dans sa présentation, et je le cite, « Le moment présent peut aussi se lire, au-delà des peurs et des indignations, comme le début d'un nouvel ajustement entre mobilité et multilocalité. Si l'on veut prendre la mesure du monde en même temps que celle de chaque lieu, nous devrons repenser l'hospitalité en réimaginer aujourd'hui les moyens matériels et sociaux dans un contexte où l'on ne peut empêcher quiconque de vouloir se déplacer. » L'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, qui a dirigé le comité scientifique de ce grand colloque, rejoint l'anthropologue en deuxième partie de cette heure, quand il explique dans sa conclusion qu'il faut faire droit à la mobilité des hommes. Et je le cite. Voici ce dont il est question. Et voici pourquoi notre réflexion s'est orientée des migrations à l'exil en passant par la crise des réfugiés. La situation d'exil mérite d'être traitée avec égard, avec attention, j'allais dire avec soin. Faisant référence au livre puissant et dérangeant de Hans Blumenberg, « Naufrage avec spectateur », pour évoquer la condition des modernes face à un monde pas fiable mais lisible, il note, et je le cite, « Nous regardons le naufrage, nous voyons les autres se noyer et nous le supportons, non parce que nous prenons plaisir au malheur d'autrui, mais parce que nous sommes nous-mêmes des rescapés. » Qu'est-ce qui nous réunit, demande-t-il pour ce colloque ? Un appel au calme et à l'ordre du réel, c'est-à-dire un effort que l'on peut dire scientifique de description réaliste. Face à ce qu'on appelle la crise des migrants, il prône de redresser les mots pour faire front à la politique de l'inimitié. C'est le titre d'un livre implacable, nous dit-il, d'Achille Mbembe. Il en cite un passage très fort dont j'extrais quelques lignes en préambule. « Nous vivons un arrangement avec le monde qui consiste à tenir pour rien du tout ce qui n'est pas soi-même. » Ce procès a une généalogie et un nom, la course vers la séparation et la déliaison. Celle-ci se déroule sur fond d'angoisse et d'anéantissement. Nombreux sont en effet ceux qui aujourd'hui sont frappés d'effroi. Ils craignent d'avoir été envahis et d'être sur le point de disparaître. En fin de compte, l'enjeu c'est de traiter avec calme et justesse le réel de l'humanité, nous invite Patrick Boucheron. Mais tout de suite, nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France le 14 octobre 2016 pour retrouver Michel Agier, l'hospitalité aujourd'hui, une question anthropologique, urbaine et politique. La question de l'hospitalité est en train de réémerger au sein de ce qu'on a appelé, et je ne reviendrai pas sur tous les guillemets qui ont déjà été mis, la crise des migrants, la crise des États européens face aux migrants, la crise de représentation de l'autre. La question de l'hospitalité est revenue, revient, à la fois parce que on s'est bien rendu compte qu'on en manque, la panique de nos gouvernements, les accords Union européenne-Turquie, etc., pour tenir les migrants loin de chez nous, mais aussi parce qu'on voit bien qu'elle est un petit peu réapparue ici et là. Certaines personnes ont souhaité accueillir chez elles des migrants, sans se soucier forcément de savoir quel était leur statut juridique. Et donc déjà, d'emblée, leur hospitalité a pu devenir un geste politique ou de désobéissance. Je touche là, je le sais, un point sur lequel je reviendrai, un point de discussion qui s'oppose à l'impression de consensus autour de ce mot « hospitalité » qui est apparu avant-hier et hier dans la bouche d'un directeur de l'OFPRA, d'un ministre et même... Vous le savez peut-être, la ministre du Logement qui s'est découverte aujourd'hui proche de l'hospitalité privée. Je vais donc en parler de tout ça, mais en essayant peut-être de réintroduire du dissensus pour voir si on pourrait être plus efficace. Ce consensus sur l'hospitalité, tout le monde en parle aimablement, tient aussi à la pluralité de significations et d'enjeux qui existent autour du terme. Et cette pluralité tient très probablement à sa virtualité, qui est un peu un effet de sa disparition. On peut en dire tout ce qu'on veut, puisqu'on ne la voit plus à l'œuvre. En 1993, René Scherrer en disait ceci : « Hospitalité insaisissable et qui se dérobe dès que l'on tente de la fixer sous une forme unique, de la prendre en un sens univoque. Elle est privée et publique, elle est présente et absente. » L'hospitalité est chaleureuse et hypocrite. Elle admet tous les détournements et apparaît souvent là où on ne comptait plus sur elle. En m'interrogeant maintenant sur les différentes facettes de cette question de l'hospitalité, différentes manières de reprendre cette réflexion, je l'inscris d'abord dans un contexte. Ce moment de l'histoire dont nous sommes contemporains, collectivement informés ou personnellement touchés et ainsi prenant part, puisqu'au moins nous avons quelques conversations, inquiétudes ou indignations sur ce qui se passe, la réponse inquiète et violente des États-nations à la circulation des migrants. Mais le moment présent peut aussi se lire différemment, au-delà des peurs et des indignations, comme le début d'un débat, une bataille d'idées, au sens fort, à propos d'un nouvel ajustement nécessaire entre mobilité et multilocalité, donc sur la possibilité de la mondialisation humaine, alors que nous savons que la mondialisation financière, industrielle, communicationnelle, idéologique, politique existe bien déjà. Si l'on veut prendre la mesure du monde en même temps que celle de chaque lieu, nous devrons donc repenser l'hospitalité. C'est elle qui fait le lien. Cela dans un contexte où l'on ne peut empêcher quiconque de vouloir se déplacer, de se mettre en mouvement vers un ailleurs plus sûr ou meilleur. Alors je voudrais ouvrir cette réflexion sur une reprise de l'hospitalité à partir de trois questions que je nommerai d'une manière un peu laconique, l'hospitalité inconditionnelle, l'hospitalité conditionnelle, les retours de l'hospitalité. Alors l'hospitalité inconditionnelle d'abord, on peut se demander si l'hospitalité doit être sans condition pour s'imposer à tous, comme l'a défendu Jacques Derrida dans les années 90, affirmation qui a supposé une définition de l'étranger absolu en soi, voire sacré. S'inspirant de la tradition de la Grèce antique, Derrida rappelait le devoir d'hospitalité absolue à l'égard, je cite, de l'autre absolu inconnu anonyme. Erreur, dit en substance l'historienne de l'Antiquité Florence Dupont. Derrida a fait une erreur de traduction du mot xénos, qui signifie « Selon elle, et selon Émile Benveniste également, dans son vocabulaire des institutions indo-européennes de 1969, le mot xénos signifie d'abord l'hôte, le partenaire d'une relation appelée xénia, l'hospitalité. Xénos ne signifie pas d'abord l'étranger. Comme nous sommes tentés de le traduire aujourd'hui avec nos idées et nos questions d'aujourd'hui. Si l'on confond xénos avec l'étranger absolu, alors l'hospitalité est logiquement détachée de la pratique et de ses contextes. Elle peut être inconditionnelle, et il lui faut, pour prendre sens, l'associer à une autre définition inconditionnelle, celle de l'étranger absolu. Et tout cela est très difficile à mettre en œuvre. Florence Dupont oppose à cela un hôte, xénos, une condition d'hôte, pourrait-on dire, définie par une relation xénia. C'est la relation qui est première, et le xénos n'est pas défini en soi, hors de cette relation. C'est cette relation qu'Émile Benveniste appelle le pacte d'hospitalité. Xénos est le partenaire d'un pacte d'hospitalité, puis l'hôte, xénos, ne deviendra étranger que plus tard dans un autre contexte, dans une autre époque. Mais il faut donc, nous dit Florence Dupont, revenir au sens contemporain de l'usage grec du terme. Et encore, écrit Benveniste, xénos, si caractérisé comme hôte chez Homère, est devenu plus tard simplement l'étranger, le non-national. Plus tard seulement. Derrida l'admet fort bien. Lui aussi a lu Benveniste et a bien vu l'ambivalence du mot qui est décrite dans le vocabulaire des institutions indo-européennes. Mais il y aurait en fait, insiste Derrida, pas seulement ambivalence, mais ambiguïté et tension entre deux sens. Deux sens, l'hospitalité inconditionnelle et l'hospitalité conditionnelle, deux sens de l'étranger absolu et de l'hôte, deux sens que nous recevons maintenant, il est vrai, comme contemporains l'un de l'autre. L'anthropologue, bien sûr, se retrouve bien mieux dans la définition relationnelle de l'hôte et de l'hospitalité que dans sa définition absolue. Une anthropologie que Benveniste l'appelle d'ailleurs de ses voeux en écrivant, je cite, que l'hospitalité s'éclaire par référence au potlatch dont elle est une forme atténuée. On considérera alors que l'hospitalité s'inscrit dans un cycle ou au moins un dispositif d'échange. Mais quel périmètre a ce dispositif d'échange ? Pour autant, Derrida a peut-être raison d'insister, ou au moins on peut reconnaître avec lui, que l'hospitalité inconditionnelle ne disparaît pas, ou, si l'on veut être normatif, ne doit pas disparaître. Mais, dit-il, cela laisse entendre la nécessité d'un passage dans la culture entre les deux sens du mot « xénos ». Il me semble comprendre que Derrida voulait réaliser ce passage, mais dans l'autre sens, de l'étranger à l'hôte. Et c'est ce que je voudrais retenir comme programme de réflexion, de recherche, éventuellement d'action pour l'anthropologie. Sur le plan scientifique, on peut observer en effet que l'hospitalité inconditionnelle ne disparaît pas, mais que son énoncé revient un peu dans toutes les sociétés et sa mise en œuvre sont toujours situées. Pour l'anthropologue Julian Peace-River, spécialiste de l'Andalousie et auteur d'un fameux article sur la loi de l'hospitalité, une loi générale de l'hospitalité découle, selon lui, non pas de la révélation divine, mais d'une nécessité sociologique, une réciprocité entre individus ou entre groupes. Je cite, « La loi de l'hospitalité est fondée sur l'ambivalence. Elle impose un ordre en se réclamant du sacré, fait l'inconnu connaissable et met à la place du conflit la réciprocité de l'honneur. » On retrouve là la référence au potlatch, mais au sens de l'honneur en général. En Andalousie, écrit-il, la convention veut que chaque étranger soit transformé en hôte. On a la réponse, en tout cas un premier élément de réponse de l'anthropologue à la question de Derrida. La convention veut que chaque étranger soit transformé en hôte. L'étranger non intégré n'est pas supportable. De l'étranger, il faut donc faire un hôte, changement de statut qui s'opère au cours de la formalité de l'invitation à partager la nourriture. Fin de citation. Alors, deuxième point vers lequel nous mène cette première réflexion sur l'hospitalité inconditionnelle, c'est ce qu'on pourrait appeler les conditions de l'hospitalité. C'est à étudier les conditions concrètes dans lesquelles l'hospitalité se déploie que nous devons donc consacrer notre enquête. Observer et comparer des situations concrètes d'hospitalité dans leur contexte, analyser la relation d'échange qu'elle enclenche, comprendre où elle commence et quand elle s'arrête. Anne Gottman, une sociologue qui a, dans les années 90, créé et coordonné un vaste programme de recherche sur l'hospitalité et la ville, explique très bien cela dans quelques ouvrages, et notamment, elle explique, et j'y reviendrai, que l'hospitalité a un début et a une fin. L'hospitalité est toujours une relation, jamais sans condition. Elle permet de reconnaître l'autre, de lui donner une place dans un espace, et c'est là qu'elle devient une matière anthropologique. L'hospitalité privée peut se définir par la formule suivante. J'accueille chez moi qui je veux. René Scherrer le rappelait en 1993 dans son éloge de l'hospitalité. J'accueille chez moi qui je veux. C'est donc déjà une condition. Je n'accueille pas qui je ne veux pas, pour répondre à Derrida. C'est ce qui définit l'hospitalité privée, mais précisément pas inconditionnelle ou absolue, mais d'emblée conditionnée, relationnelle, contextuelle. La famille plus ou moins restreinte ou s'élargissant, mais pas trop, devient le cadre dans lequel la relation s'établit avec l'hôte. Comment la relation d'hospitalité s'inscrit-elle dans un échange? Il faut avoir de la place spatialement et faire une place socialement. Je voudrais me référer, si vous voulez bien, à des enquêtes que j'ai faites il y a déjà quelques années en Afrique de l'Ouest auprès de commerçants et de migrants Haoussa, ou dits Haoussa, ou en tout cas qui utilisent la langue Haoussa et les codes de sociabilité de la langue Haoussa, et qui sont dispersés partant du Nord Nigeria et du Niger dans toute l'Afrique de l'Ouest, tout en établissant des quartiers d'accueil des étrangers dans les villes. Les Maïguida sont les personnages importants, patrons et logeurs de ces réseaux commerçants, et ce sont eux qui accueillent chez eux des étrangers. Ils le font d'abord au nom de la Sadaka, littéralement l'aumône, le don à Dieu, impersonnel. Où on retrouverait donc là, mise en œuvre, dans un contexte précis, une dimension absolue ou inconditionnelle. Mais en même temps qu'ils le font, ils augmentent leur richesse en hommes, Arzikim Mutane, ça a un nom, les concepts sont associés à ces pratiques. La Sadaka, vertu, offre inconditionnelle, élargit, amplifie la richesse en hommes, Arzikim Mutane. Il y a donc une recherche de prestige symbolique dans le geste de l'accueil et de capital social, comme dirait Pierre Bourdieu. Les Maïguida ont à la fois un rôle de chef de famille, mais sont aussi de grands commerçants et des logeurs. On les appelle les Maïkarbanbaki, ceux qui reçoivent les étrangers. Mais la relation qui s'établit à ce moment-là est, comme dans les enquêtes de Julian Peace Rivers sur l'Andalousie ou d'Anne Gottman sur Paris et la région parisienne, la relation qui s'établit à ce moment-là est hiérarchique, elle est asymétrique. Même si c'est un adulte, la personne accueillie peut avoir le statut d'enfant, on l'appelle Yaro. Yaro, c'est l'enfant. Il est disponible, il travaille à la demande pour son Maïguida, et celui-ci doit protection à son étranger. Et cette formule, « mon étranger », on l'entend souvent en Afrique. Quand on est bien accueilli, la personne qui vous a accueilli vous dit « tu ne risques rien, tu es mon étranger ». Je vais encore vous donner un terme de la langue Haoussa, « zumunchi ». La relation entre l'accueilli et l'accueillant s'appelle « zumunchi ». C'est un terme qui est très difficile à traduire. Beaucoup d'anthropologues se sont creusés la tête. Michael Smith l'a traduit par « la quasi-parenté ». Ce qui nous fait penser à ce que dit René Scherrer de l'affect qu'il faut à l'hospitalité, il dit « il faut de l'amitié, mais pas trop ». Mais il y a un moment où la relation s'arrête, après quelques jours ou quelques années. L'étranger qui est accueilli là, chez son Maïguida, peut commencer à travailler régulièrement dans le cercle de son logeur, ou bien il s'est lancé lui-même dans un commerce, ou bien, ce qui arrive aussi, et c'est un peu le rêve de tous les Yaro qui sont là, La relation entre eux peut avoir changé quand l'étranger est devenu Suluki, le gendre, en recevant une femme de la famille ou de l'entourage du Megiddo. Malgré toutes les spécificités locales, et je crois qu'à chaque fois, il y a toujours des spécificités locales, culturelles, des formes d'hospitalité, ce cas est très proche de ceux étudiés par d'autres, comme le remarque Anne Gottman dans son ouvrage « Le sens de l'hospitalité ». Il y a donc asymétrie ou déséquilibre dans la relation d'hospitalité et non égalité. Mais l'inégalité n'empêche pas la réciprocité. On l'a vu donc avec le cas des Haoussa, et Julian Pitts River insiste, lui, sur la fragilité de la relation entre les hôtes. Je cite « Tant qu'elle dure, la fragile relation du maître de maison et de son hôte repose sur le respect de la complémentarité des rôles. Cette asymétrie instaure un échange et l'hospitalité inaugure un cycle de dons et contre-dons délimité par un début et une fin. L'hospitalité a une fin. Cette fin survient au moment où celui qui était accueilli est incorporé ou bien cesse d'accepter cette relation asymétrique. Encore Julian Pitts River, je cite, « Tandis que les formes d'incorporation permanente se consolident avec le temps, le statut d'hôte, lui, se volatilise. » Alors voilà pour l'hospitalité privée. Alors si l'on veut poursuivre cet élargissement, cet changement d'échelle de l'hospitalité, on voit qu'il y a eu historiquement un moment où l'institutionnalisation dans les églises, les hospices, les asiles, a rendu presque invisible le principe privé de l'hospitalité, dont on ne retrouve plus la place privée. Le passage à l'hospitalité publique a fait en quelque sorte disparaître l'évidence sociale ou l'évidente nécessité sociologique de l'hospitalité privée. Au Moyen-Âge, l'Église a créé des lieux d'asile pour tous les nécessiteux, et notamment les hospices de Saint-Vincent de Paul, qui sont, selon certains auteurs, je pense à Jean-Christophe Ruffin, au principe même de l'action humanitaire. Les autorités de ces hospices devaient systématiquement transmettre à la police les informations sur les personnes hébergées. Donc, si l'abri est assuré par une structure collective, alors plus aucun individu n'est responsable de la personne accueillie, d'une part, et d'autre part, il y a systématisation du lien entre accueil et contrôle. Les évolutions des politiques de contrôle migratoire de ces dernières années en Europe ont fait disparaître l'hospitalité publique sous différentes couches de politiques de contrôle, d'enfermement, de rejet des étrangers, faisant oublier le lien qui existe ailleurs et autrefois avec l'hospitalité privée. L'hospitalité semble aujourd'hui n'être plus qu'une trace archaïque ou exotique d'une pratique transformée dans l'hôtel ou dans l'asile. Au XXe et au XXIe siècle, l'hospitalité disparaît au profit de grands dispositifs qui nous sont, nous semble-t-il, complètement étrangers à nous, chaque personne, des grands dispositifs d'État, d'accueil et de contrôle et de soins, toujours sous la forme d'un contrôle des indésirables. La référence au territoire de l'État-nation prévaut et crée des possibilités tout juste de laisser pour compte dans les interstices, et c'est dans ces interstices qu'on va pouvoir découvrir ce qui est le troisième point que je voudrais développer, qui sont les retours de l'hospitalité. Alors, il y a plusieurs retours, j'en vois trois. L'hospitalité individuelle, privée, pour reprendre ce terme, l'hospitalité communale, et que je distinguerai de l'hospitalité urbaine. L'hospitalité individuelle, comme je l'ai dit, des gens manifestent leur volonté d'accueillir des hôtes chez eux, mais ils se heurtent à cette bureaucratie de l'inhospitalité qui s'est mise en place dans ce long récit dont j'ai fait à peine mention, ayant abouti à la disparition du principe de l'hospitalité dans les structures publiques. Alors, comment se mettent en place ces nouvelles formes d'hospitalité privée ? Depuis plusieurs années déjà, l'association JRS, Jésuites Réfugiés Service, soutient les personnes qui veulent accueillir des demandeurs d'asile. Il y a donc un support associatif, juridique, moral, social, qui est donné à des personnes qui ont manifesté leur désir d'accueillir chez elles, en faisant une place une pièce réservée pour un ou une étranger. Plus récemment, la plateforme Singa a lancé le programme Calm, comme à la maison, qui met en contact des demandes et des offres de logement pour des réfugiés et des personnes voulant les accueillir. Mais étant sous contrôle, il faut que les personnes accueillies soient des réfugiés statutaires. Certaines associations, ailleurs, se déclarent disposées à pratiquer la désobéissance civile en soutenant leurs membres qui accueillent des migrants sans référence à leurs documents de voyage. Et c'est là où on a un point, effectivement, qui devient un point de basculement et de politisation de l'hospitalité. Alors, hospitalité personnelle soutenue ou plus ou moins soutenue face à une bureaucratie de l'inhospitalité. Deuxièmement, hospitalité communale. On revient encore à Derrida, qui donna en 1996 un sens particulier à l'idée de ville-refuge. Dans son discours prononcé devant le premier congrès des villes-refuges, 21-22 mars 1996, je cite « Si nous nous référons à la ville plutôt qu'à l'État, c'est que nous espérons d'une nouvelle figure de la ville ce que nous renonçons presque à attendre de l'État. Ce qu'en l'appelant de nos vœux, nous appelons la ville-refuge, ce n'est plus simplement un dispositif de nouveaux attributs ou de nouveaux pouvoirs ajoutés à un concept classique et inchangé de la ville. Il ne s'agit plus simplement de nouveaux prédicats pour enrichir le vieux sujet nommé ville. Non, nous rêvons d'un autre concept, d'un autre droit, d'une autre politique de la ville. » Alors comment se met et comment peut se mettre en place cette hospitalité de la ville-refuge ? Il faut trouver de la place, il faut faire de la place. Ce qui est intéressant dans les débats qui ont lieu depuis un an et demi en France ou en Europe, c'est que ces questions-là arrivent, même si elles arrivent de manière polémique, non consensuelle. Il y a de la place où on peut trouver de la place. Le recours à la forme camp a quelque chose d'inquiétant, dans la mesure où cela répète une solution, la solution du camp comme politique ou l'encampement, qui s'avère toujours problématique, quelles que soient les intentions, bonnes ou mauvaises, qui les ont fait ouvrir. Est-on sûr d'être une ville-refuge lorsqu'on fabrique un camp, même si on le dit camp humanitaire ? Bien sûr, il faut aller voir de plus près. L'alternative au camp, c'est l'hospitalité. Au Liban, alors que le Liban compte 4,5 millions d'habitants, 1,2 million Syriens sont arrivés dans le pays, et le gouvernement libanais a demandé à ce qu'on ne construise pas de camp. Qu'est-ce qui s'est fait ? Il s'est fait deux choses principalement. D'une part, des gens qui ont eux-mêmes établi leur habitat dans la vallée de la Beka, près de la frontière. Cette forme du campement, on la trouve aujourd'hui de plus en plus. Et sans doute, et certainement, il va falloir s'y habituer. Partout dans le monde se développent des formes de campements, puisqu'il y a des nombres considérables de gens qui sont en déplacement, bien plus dans d'autres continents qu'en Europe. Plus de 80% de l'accueil se réalise dans les pays du Sud. Et donc, une des formes est la forme du campement, qui peut être une manière de s'entendre avec les habitants. L'autre solution qui a été adoptée comme alternative au camp est d'aller s'installer chez les habitants moyennant le paiement d'un loyer. Beaucoup de personnes ont crié aux marchands de sommeil, mais on peut en donner une autre interprétation et qui peut aussi bien s'adresser au HCR. Plutôt que de construire des camps ou de laisser les réfugiés se débrouiller tout seuls, pourquoi ne pas aider les habitants à accueillir les réfugiés, si les habitants le souhaitent, s'ils ont de la place? Le HCR peut très bien aider les habitants à accueillir les réfugiés. Et puis, je voudrais simplement terminer en évoquant une autre forme d'hospitalité, une hospitalité qui n'existe pas encore, mais qui va peut-être falloir inventer, que j'appelle l'hospitalité urbaine, mais on pourra y réfléchir. Le camp de Calais a été quelque chose de médiatiquement, politiquement, très, très polémique. Mais une chose est sûre, c'est que pendant un an et demi, avec ses 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 habitants, selon les moments, ce camp est devenu un vrai lieu de vie, peut-être un bidonville, effectivement. Et à un moment donné, il a mieux porté son nom de bidonville plutôt que de camp. Il était en train de devenir une sorte de brouillon de ville, ce qu'il fait ressembler à la plupart des camps installés dans la durée ailleurs dans le monde. Transformé et de plus en plus approprié, habité par les migrants eux-mêmes et en partie par les nombreux visiteurs du lieu, les aidants, comme on les appelle maintenant, qui étaient installés régulièrement présents dans ce lieu. Avec ce camp bidonville, les migrants s'inventaient eux-mêmes la ville hospitalière en France que le gouvernement leur refusait. C'était un lieu où une forme paradoxale d'asile était créée et acceptée par certains migrants qui pourtant n'étaient venus jusque-là que pour passer en Grande-Bretagne. Et c'est contre cela que l'État a finalement réagi, contre ce camp qui sortait de l'ombre. Il y a eu dans la vie quotidienne de ce camp de Calais et dans sa transformation en bidonville, jusqu'à sa disparition maintenant, cette situation dans laquelle on avait de la conversation, de la traduction, de l'apprentissage, de la construction, le lieu se transformait et finalement, effectivement, une forme d'accueil s'est trouvée réalisée là. Quelles que soient les solutions politiques qui seront prises concernant le camp de Calais, c'est une expérience qui laisse des traces et qui, je pense, peut nous inciter à penser à une autre forme d'hospitalité aussi, qui est cette forme d'hospitalité urbaine. Je vous remercie. C'était Michel Agier. L'hospitalité aujourd'hui, une question anthropologique, urbaine et politique, le 14 octobre 2016 au Collège de France. Et tout de suite, nous retrouvons l'historien Patrick Boucheron, débat et conclusion générale du colloque Migration, réfugiés, exil. Il est doux quand la vaste mer est troublée par les vents de contempler le rivage, du rivage, la détresse d'un autre. Non qu'on se plaise à voir souffrir, mais par la douceur de sentir de quel mot on est exempt. Qui écrit ça ? Lucrèce. Lucrèce à l'entame du deuxième chant de son De Rerum Natura. On s'indigne. Est-ce cela l'épicurisme ? Jouir de se savoir en sécurité et redoubler cette jouissance par le spectacle de ceux qui sont en danger ? Est-il si méchant, ce Lucrèce, qu'on nous présente pourtant comme le poète suave de ce chant du monde, héros bienveillant du matérialisme ? En fait, pour comprendre ce passage étrange, on peut s'appuyer sur un livre puissant et dérangeant, puissamment déplaisant, qui s'appelle « Naufrage avec spectateur » de Hans Blumenberg, qui est paru en 1979, qui a été traduit en français en 1994. Être spectateur du naufrage n'est pas se tenir face à autrui, face à la douleur des autres, mais bien face au monde, en fait, face à l'instabilité du monde. Parce que d'où vient le bateau ? Et pensez-vous vraiment que nous le voyons depuis la terre ferme ? Mais il n'y a plus de terre ferme. En fait, ce que montre Hans Blumenberg, c'est que l'histoire des modernes, c'est que nous sommes embarqués. Pascal l'a dit, Nietzsche le reprend dans le Gai Savoir, nous avons quitté la terre, nous sommes montés à bord, derrière nous, nous avons brisé le pont, mieux, nous avons brisé la terre. Et voilà pourquoi la barque de l'Exode qui nous accueille dans le foyer, que Barthélemy Tongo a placé sur une mer de bouteilles de verre, est notre bateau ivre, écrasé sous le poids de baluchons multicolores, elle porte notre fardeau, celle de la responsabilité face à l'histoire, car nous savons, nous pouvons le dire sans emphase, mais sans hésitation, nous savons que nous serons jugés sur notre capacité à affronter la crise d'aujourd'hui. Je reviendrai sur la question de la réalité de la crise, mais cette réalité est celle tremblante, fractionnée, fracassée. Voilà la condition des modernes. La fiabilité du monde est désormais hors d'atteinte. Et dès lors, la position du spectateur n'est pas de voir depuis la terre ferme, mais depuis la planche de salut du rescapé. Nous regardons le naufrage, nous voyons les autres se noyer et nous le supportons, non parce que nous prenons plaisir au malheur des autres, mais parce que nous sommes nous-mêmes des rescapés. C'est ce que montre le livre de Hans Blumenberg en proposant une théorie originale de la métaphore. Parce que pour lui, la légitimité des temps modernes construit un monde qui n'est pas fiable, mais qui est lisible. La métaphore devance notre capacité de conceptualisation et elle se porte au-devant de la lisibilité du monde. Or, qu'est-ce qui nous a réunis depuis avant-hier ? La volonté commune partagée d'un appel au calme, on l'a dit, d'un appel à l'ordre du réel, c'est-à-dire un effort que l'on peut dire scientifique et politique, de description réaliste. Parce que la crise des migrants met en défaut notre capacité de représentation. Et ça, c'est comme ça que Christophe Ayad l'a présenté d'emblée dans l'introduction de la table ronde qui a ouvert notre colloque, qui l'a lancé, j'allais dire, qui l'a provoqué. Et il a cité plein de chiffres et on en a encore eu plein d'autres qui, au fond, contreviennent à notre conception, en tout cas celle qui est relayée par les médias. Lorsqu'il nous a parlé des 244 millions de migrants aujourd'hui, dans lesquels 100 millions sont des migrants forcés, 41 millions de déplacés internes, 21 millions de réfugiés, et parmi ces réfugiés, 50% qui vont vers 10 pays qui représentent moins de 2% du PIB mondial. Nous avons eu plein d'exemples ensemble de ces réalités que nous aimerions tant pouvoir justement mettre devant les peurs qui nous agitent. Mais la question, c'est de savoir si ça va suffire, si cette politique, qui est une politique de description réaliste, est une mobilisation suffisante. Il suffira de redresser les mots pour faire front à ce que Achille Mbembe a appelé récemment, dans un livre somptueux et implacable, la politique de l'inimitié. Je vais le citer un peu longuement, parce qu'il porte, je crois, un diagnostic sur le présent. Nous vivons un arrangement avec le monde qui, je le cite, consiste à tenir pour rien tout ce qui n'est pas soi-même. Ce procès a une généalogie et a un nom, la course vers la séparation et la déliaison. Celle-ci se déroule sur fond d'angoisse et d'anéantissement. Nombreux sont en effet ceux qui, aujourd'hui, sont frappés d'effroi. Ils craignent d'avoir été envahis et d'être sur le point de disparaître. Des peuples entiers ont l'impression d'être arrivés au bout des ressources nécessaires pour continuer à assumer leur identité. Ils estiment qu'il n'y a plus rien dehors et qu'il faut, pour se protéger de la menace et du danger, multiplier des enclos. Ne voulant plus se souvenir de rien, ils fabriquent de mauvais objets qui finissent effectivement par les hanter et dont ils cherchent désormais à se défaire violemment. Évidemment, face à ces hantises de ceux qui ne veulent plus se souvenir de rien, on ne peut évidemment pas opposer le déni. On peut opposer sans doute à cette capacité d'oubli la tâche de l'histoire, non pas l'histoire des historiens, mais les sciences humaines, les sciences de la nature, toutes les sciences qui ont été convoquées pendant ces trois jours en tant qu'elles sont des sciences historicisées. Et au fond, nous revenons ici à cette question des réfugiés par lesquels nous avons commencé le voyage, nous l'achevons maintenant et qui nous a fait passer de l'histoire lente, majestueuse, presque implacable dans sa solennité tranquille des migrations humaines, au tremblement beaucoup plus inquiétant et intime de l'exil. Il n'est qu'une seule espèce humaine sur la Terre, nous a rappelé Jean-Jacques Hublin, et cette espèce est migrante. Notre histoire commence en Afrique, c'est une histoire de dispersion, d'acculturation que l'on parcourt en suivant à la trace la piste des parures de petits gastéropodes percés, c'est-à-dire en assistant à l'éclosion d'un monde de symboles et de signes, de croyances qui permettent la diffusion des réseaux sociaux très étendus. Une chose est certaine, nous a-t-il dit, l'humanité moderne existant hors d'Afrique est, je le cite, une branche passée au-dessus d'un mur, d'un arbre qui a ses racines en Afrique. Les premiers bifaces européens apparaissent il y a 650 000 ans. Or, cette industrie lithique existe déjà en Afrique depuis 1 million d'années. Bref, les Néandertaliens font pâle figure, ou plutôt bruta figura, comme disent les Italiens, ce qui ne nous empêche pas de porter 2% d'ADN néandertalien. Les formes les plus anciennes du génome mitochondrial de notre ADN sont donc des lignées africaines. Or, Luis Quintana Murci a montré que l'histoire démographique n'est qu'un des facteurs qui façonne la diversité génétique qui, à son tour, va favoriser la diversité phénotypique. La carte des populations européennes se dessine donc en fonction d'un phénomène d'isolement par la distance, tandis que l'histoire génétique des expansions bantoues de chasseurs-cueilleurs décrit la grande traversée de la forêt équatoriale. Et au total, la leçon de la génétique, comme celle la préhistoire, semble implacable. Le métissage crée des mutations avantageuses pour l'adaptation aux agents pathogènes. La question est de savoir effectivement si cette science-là peut être de contrepoids au discours ambiant. On a un magnifique exemple de ce que nous espérions avec ce colloque, parce qu'au fond, l'histoire des migrations, en longue durée et sur grande distance, c'est un objet qui ne se peut saisir qu'à la croisée de plusieurs disciplines. L'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, la biologie, la linguistique, la médecine. Mais dans le même temps, nous avons vu qu'elle démontre aussi la persistance désespérante des inerties identitaires. Dominique Charpin a décrit les effets de cette barrière en Syrie repérée archéologiquement sur 220 kilomètres, le très long mur bâti par les rois d'Ur entre le 23e et le 21e siècle avant. Mais quelle était sa fonction à ce mur qui éloigne les dinoums? Il sert d'abord à contrôler le nomadisme et à assurer le prélèvement fiscal. C'est un objet de l'économie politique des migrants. Il n'empêche pas la migration, qui ne détruit pas la civilisation mésopotamienne, il n'empêche pas l'assimilation entre Acadiens et Amorites, mais celle-ci, cette assimilation, s'accompagne de la persistance des préjugés sur les barbares Amorites, ce peuple qui, je cite, ne sait pas plier les genoux. Donc cette persistance, c'est cela aussi qui est l'objet, un objet d'histoire. Et c'est cela qui doit, au fond, perpétuellement nous inquiéter en tant que producteurs de savoir. Cette persistance, en l'occurrence, elle porte un nom pour notre histoire. C'est le legs du préjugé colonial. Benjamin Stora a évoqué la question de l'écriture de l'immigration maghrébine. Comment elle peut sortir péniblement de l'invisibilité? Car bien avant la guerre sans nom, il y eut la présence en France d'hommes sans nom. Depuis un siècle, les Algériens en France, qui n'étaient, il nous l'a dit, ni français, ni étrangers, ni sujets coloniaux, parfois même SNP, sans nom patronymique, parce que déracinés, au sens de Abdelmalek Sayad, parce que jetés dans l'errance par la confiscation des terres, ces Algériens de France, donc ce qui leur donne une identité, c'est l'engagement politique. Ils récupèrent un nom en propre à partir d'un projet nationaliste d'émancipation, c'est-à-dire, dans le cas de l'indépendance algérienne, de séparation. Et donc nous voyons bien, et nous avons vu à plusieurs reprises, que nous reconstruisons souvent le passé dans l'ombre portée par les hantises du présent. Les invasions sémitiques sont reconstruites à partir de la dernière en date, l'islamisation du 7e siècle. Et Pierre Briand nous a montré ce matin, en décrivant les colonisations et émigrations du temps d'Alexandre, au miroir de l'invention coloniale de la mission civilisatrice de l'Europe, il nous a montré cette histoire également longue et désespérante du fantasme du suicide de civilisation. Suicide hellénistique, suicide européen, suicide français. Pour René Grousset, non seulement Alexandre n'a pas hellénisé l'Orient, mais les Grecs émigrés en Égypte, en Syrie ou en Babylonie sont devenus les sujets de plus en plus serviles des pharaons lagides ou d'un potentat syrien. Et on retrouve là l'indéracinable thème colonial du colonisateur conquis par sa conquête, qui est au fond l'envers de cette haine du métissage. À cette haine du métissage, Isabelle Thirault a donné le nom de méfiance. Cette méfiance est peut-être une disposition anthropologique universelle, elle se manifeste au quotidien, nous avait-elle dit en Chine, je la cite, par les moments consacrés à attester la fiabilité d'autrui, à vérifier le sens de ses paroles, à s'assurer de la cohérence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Comment ceux qui s'affranchissent de l'assignation à résidence deviennent en Chine des indésirables, ceux qui flottent dans la population flottante? Eh bien, c'est le sens même d'un flottement migratoire. Nous avons entendu ce mot de méfiance qui engageait la question des usages politiques du passé, mais nous avons aussi entendu François-Xavier Fauvel qui tentait de mobiliser contre la haine du métissage la notion inverse de confiance. La rencontre de l'autre est-elle condamnée à n'être que cette quête active et maugréeuse du même dont il nous a parlé, contre la doctrine diffusionniste qui anime les hypothèses migratoires des Hottentots, ou plutôt entre mouvement et transformation? François-Xavier Fauvel nous a proposé la notion de percolation. La percolation désignerait donc cette plasticité qui rend méconnaissable à soi-même, qui arme notre confiance dans la capacité des migrants à devenir autres. Mais elle identifie aussi une attitude méthodologique. Nous connaissons les coucous, coué-coué, grâce au miracle documentaire du comptoir hollandais du Cap, mais aussi grâce à la quête archéologique comme victoire sur l'invisibilité des fragments d'une pipe hollandaise qui identifie le Kraal et ainsi se révèle par transparence sur la carte de l'Afrique une civilisation de la vache où les chasseurs-cueilleurs sont à la fois nomades et territorialisés. Et n'est-ce pas également le cas dans notre monde d'aujourd'hui? À partir de son observatoire marseillais, Alain Tarius a montré que se superposait sur la carte de l'Europe qui nous est familière, celle des États-nations en crise aujourd'hui, trois territoires circulatoires innervés par les voies maghrébines, turques et cosmopolites euro-méditerranéennes, qui animent une mondialisation par le bas, discrète, cosmopolite, celle des transmigrants. La fonction buvard, nous a-t-il dit, de cet espace circulatoire sert de base à l'exode, et cette cartographie, c'est ce que les géographes appelleraient au fond le fond de carte des migrations syriennes actuelles. C'est-à-dire que c'est dans cette structure-là que se déroule aujourd'hui notre histoire. Et comment définir la cause des migrants? Est-ce une cause identitaire, humanitaire, ou plus directement politique? Si elle l'est politique, alors ça veut dire que ce qui est mis en défaut dans la crise actuelle, c'est la lecture politique du monde. C'est l'incompréhension de saisir effectivement ce que, par exemple, la guerre de Syrie a de politique. Il existe une économie politique du passage des réfugiés. Elle est structurellement mafieuse. Ce qu'a déclaré Léo Luca Orlando n'étonnera que ceux qui n'ont pas lu Gomorra de Roberto Saviano, ou plutôt qu'ils l'ont lu comme un témoignage folklorique sur les abords du capitalisme ou de la mondialisation, alors qu'en réalité, Gomorra décrit son cœur. Et voilà pourquoi l'appel du maire de Palerme à définir la mobilité comme un droit humain à faire valoir contre le pouvoir des mafias, dont le permis de séjour est, nous a-t-il dit, l'instrument politique, doit sans doute être entendu. La question est de savoir si les nations ont les politiques migratoires de leur histoire démographique. C'est la question qu'on se posait en écoutant tout à l'heure François Héran nous faire voir les profils de quatre pays européens et qui donnent la mesure, évidemment, des contrastes entre les situations nationales et par conséquent de la difficulté à coordonner une politique migratoire commune, mais aussi des contrastes entre les réalités démographiques et les représentations exacerbées par les discours politiques. Je ne savais pas que l'Espagne connaissait des pics d'immigration supérieurs à l'Allemagne. Je n'avais pas pris la mesure de l'histoire étale, stable, de l'immigration ordinaire en France. Et je me demande, effectivement, comme nous tous sans doute, si on peut opposer le calme d'une courbe à l'excitation d'un slogan. J'aimerais bien. Mais d'une certaine manière, peut-être faut-il aussi ensemble, collectivement, trouver des moyens politiques pour faire droit à cette réalité, faire droit à la mobilité des hommes. Voici de ce dont il était question, et voici pourquoi notre réflexion s'est orientée des migrations, je l'ai dit, à l'exil, en passant par la crise des réfugiés. Et l'exil, la situation d'exil, c'est-à-dire effectivement à hauteur d'homme, méritait d'être traitée avec égard, avec attention, j'allais dire avec soin, au plus près de l'individu, j'allais dire avec soin, parce que nous avons entendu Marie-Caroline Salio-Yassimerski qui s'est penchée sur des cas extrêmes de trauma, d'exil, en montrant ce que peut la clinique. Parce que le périple est péril, parce que la souffrance est telle qu'elle produit un sujet déshistoricisé, déterritorialisé, désocialisé, parce que, en ce sens, la violence est politique, ne serait-ce que parce qu'elle vrille le corps des êtres parlants. C'est, nous a-t-elle dit, dans son propre corps que rage devient un étranger, plaie croûteuse et souillée. La souffrance est telle qu'on peut perdre son nom, perdre la parole, se sentir perdu dans sa propre langue. Or, Stanislas Dehaene a montré comment on pouvait retrouver le langage qu'on avait perdu. Le cerveau, nous a-t-il expliqué, est déjà organisé par une base contrainte de réseaux, mais les points de contact, des synapses, forment la plasticité cérébrale. Alors évidemment, je ne fais pas de psychologie cognitive, donc plasticité cérébrale, je l'entends avec un sens joyeusement métaphorique. J'entends comme une bonne nouvelle le fait qu'à 9 mois, les enfants discriminent les consonnes de toutes les langues du monde, qu'à 12 mois, seuls les phonèmes de la langue maternelle sont discriminés, mais que ce moment critique de la plasticité cérébrale se referme, mais ne se referme pas complètement, et que le réseau de la langue maternelle peut encore se réorienter jusque vers 9-10 ans. « I don't speak English », prévenait la pancarte infamante que le jeune Marcus Rodkovich portait autour du cou à son arrivée aux États-Unis. Annie Cohen-Solal nous a montré comment l'art, pour celui qui devient en exil Mark Roscoe, apporte à la souffrance un attribut héroïque. Le peintre devient alors l'archétype de la conscience exilée, qui n'existe que dans son propre intervalle, non comme un repos, mais dans un va-et-vient épuisant de l'entre-deux des langues. D'ailleurs, il y avait là un écho très fort, très puissant, avec l'évocation par Alain Cohn du mathématicien Alexandre Grothendieck comme exilé dans sa propre solitude. Très fort, très puissant, parce qu'il était dans les deux cas question de donner la parole aux déracinés, dans l'entre-deux des langues, je l'ai dit, dans cette manière de s'inventer un usage minoritaire d'une langue majoritaire, mais aussi parce que cette histoire était une histoire de création. Ce qui rapproche, évidemment, l'art, la science, peut-être ce qui nous rapproche aujourd'hui. Car, évidemment, ce qu'il a montré, Alain Cohn, c'est que l'accueil n'est jamais définitif, qu'il met l'exilé dans une situation de vulnérabilité. Dans Récolte et semailles, Grothendieck évoque d'abord l'accueil bienveillant des mathématiciens qui lui permettent de ne pas se sentir étranger. Et puis ensuite, après le grand tournant de 1970, il se rend compte que ce monde douillet est fictif, que ce microcosme qu'est le monde mathématique dont il rêve n'existe plus. Et alors, je cite, « insidieusement, à pas de loup, la méfiance revient ». Insidieusement, à pas de loup, qu'est-ce qui revient aujourd'hui ? Qui est l'un pour l'autre ? La question de Claude Lefort est celle de l'hospitalité que Michel Agier vient de déployer dans toute son ampleur, une ampleur que je dirais politique, puisqu'il a montré que le camp, en somme, n'est pas une scène humanitaire ni sécuritaire, mais pleinement politique. Est politique ce rapport d'hospitalité qui est évidemment biface et dont la langue française, dans la beauté par exemple, de l'indistinction du mot hôte. Si je dis « je suis votre hôte », vous ne savez pas si je vous accueille ou si vous m'accueillez. Eh bien, cet échange-là, elle crée les conditions d'une politique de l'hospitalité. Nous avons tenté, au fond, de la mettre en œuvre, cette hospitalité, du point de vue de ce que nous savons faire, c'est-à-dire produire et diffuser un peu de savoir. Voilà ce que l'on doit dire à ceux qui peuvent désespérer. Le discours politique, le discours des politiques sur la crise des réfugiés n'est pas à la hauteur des mobilisations collectives réelles, concrètes, que suscite cette crise. Elle ne rend pas compte de la réalité des représentations et des pratiques sociales. Nous ne devons pas trouver dans les réfugiés un miroir flatteur de nous-mêmes. On retrouve là Lucrèce. Il ne s'agit pas de chercher la jouissance narcissique d'une politique de la pitié. Il ne s'agit pas de faire de notre mieux. Il s'agit de faire le nécessaire. Faire le nécessaire, eh bien, c'est, vous l'avez compris, SOS Méditerranée qui, face à la démission des États, face à la dégradation du nom de l'homme en Méditerranée, fait le nécessaire. Mais d'autres, à leur place, agissent. Chacun à sa place. Il existe des politiques associatives, des politiques municipales, des politiques urbaines, des politiques internationales, et il existe aussi des politiques nationales. Et puisque nous sommes au Collège de France, et puisque Alain Prochian, pour ouvrir ce colloque, a d'emblée posé la question qui fâche, de quelle France le Collège de France est-il le Collège, il faut bien, effectivement, préciser ceci pour terminé. Îlot de résistance. Cette résistance exige de rompre avec les passions tristes de la mélancolie, avec cet art français de la détestation de soi, qui exalte dans l'histoire la litanie des défaites civilisatrices, et dont on sait bien que ce sont toujours les étrangers qui, à la fin, payent le prix de notre propre détestation. Il ne s'agit de rien d'autre, au fond, que de se porter à la hauteur de notre propre histoire, chacun à sa place. Histoire, dans le cas présent, que nous ont rappelé Sébastien Balibar et Diane Rosso, l'histoire de Piotr Kapitsa, du laboratoire de Langevin au Collège de France, l'histoire du Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers, qui fut appelé le Comité Louis Rapkin, du nom d'un émigré russe, avant de recevoir le soutien du gouvernement du Front populaire de Jean Zay en 1936, alors que Rapkin lui-même n'était naturalisé qu'en 1939. On oppose généralement les beaux principes aux dures réalités, mais je crois que nous étions dans le réel. Ce réel que certains veulent précisément liquider au nom des réalités, ce réel, ce qu'ils réclament de nous, c'est de la considération. Parce que ce réel est celui, le mot a été entendu plusieurs fois et de bien des manières, le réel de l'humanité, qu'on le traite avec égard, calmement, justement. C'est-à-dire qu'on dise les choses avec justesse et qu'on traite les hommes avec justice. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Patrick Boucheron, débat et conclusion générale du colloque Migration, Réfugiés, Exil, le 14 octobre 2016 au Collège de France. Et en première partie, vous avez écouté Michel Agier, L'hospitalité aujourd'hui, une question anthropologique, urbaine et politique. Nous vous proposons de larges extraits des contributions du colloque Migration, Réfugiés, Exil. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que le lien vers la table ronde et vers le catalogue de l'exposition en partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration. Michel Agier a publié « Les migrants et nous, comprendre Babel » au CNRS édition. Et Patrick Boucheron a publié « Comment se révolter » chez Bayard en 2016 et il va publier un ouvrage collectif au Seuil, « Histoire mondiale de la France ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Alain Prochian, administrateur du Collège de France et à ses équipes et aussi un grand merci à tous les contributeurs du colloque. Et un grand merci à Boris Boutlerov. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.